Chapitre 3e. Lady Isabelle se tenait assise sur l'un des bancs du petit camp, ayant ainsi au-dessous d'elle les remparts de la ville. 8 ou 10 jours s'étaient déjà écoulés depuis le départ de Carlyle, et sa santé avait fait de nouveaux progrès. Les forces surtout lui étaient tellement revenues que cela paraissait incroyable. Le jour en question, elle s'était rendue à pied au cimetière, et elle n'avait parcouru les différents sentiers, s'arrêtant devant les tombes élevées aux familles anglaises et se plaisant à lire les inscriptions qui s'y trouvaient gravées. Maintenant, avant de reprendre le chemin de la maison, elle s'était assise pour se reposer. Le capitaine Levison était avec elle. En vérité, il ne la quittait presque plus. Elle, pour se délivrer de lui, avait eu recours à tous les stratagèmes imaginables. Elle était sortie aux heures les plus indues. Elle avait fait choix des routes les moins fréquentées, et malgré cela, il l'avait suivie à la piste, et elle avait trouvé moyen de la rencontrer toujours et partout. Isabelle avait pensé qu'il la guettait, et peut-être avait-elle raison. Elle hésitait à lui dire de ne plus la poursuivre de la sorte, de cesser auprès d'elle ses soins empressés, car elle craignait qu'il ne lui en demandât une explication, et cette idée seule était suffisante pour l'engager à se taire. D'ailleurs, pensait-elle, tout ceci ne peut durer longtemps. Je ne tarderai pas à partir, à me séparer de lui pour toujours. Mais malgré tous ces beaux raisonnements, elle se voyait contrainte d'avouer que ces entrevues réitérées produisaient leurs effets, que ses joues s'empourpraient à son approche, et que son cœur se contractait et battait avec plus de précipitation chaque fois qu'elle le voyait auprès d'elle. Ah, elle eût bien voulu arrêter ces battements coupables de son malheureux cœur. Elle faisait même, pour cela, des efforts surhumains. Mais elle n'y réussissait pas plus que si elle eût voulu arrêter les tourbillons de vent qui s'engouffraient dans les innombrables voiles de la mer. C'était une belle soirée, calme et paisible, un peu fraîche peut-être pour le mois de juillet. Rien n'en troublait la tranquillité, si ce n'est le bourdonnement doux et vague des insectes de l'été. Lady Isabelle était assise, morne et silencieuse à ses côtés. Elle semblait craindre que les palpitations de plus en plus violentes de son cœur rebelle ne décelassent les émotions de bonheur qui soulevaient son sein. N'était la voix sévère de la conscience, n'était le sentiment profond qu'elle possédait encore du bien et du mal, n'était enfin qu'elle ne s'appartenait plus, elle aurait pu demeurer ainsi assise à tout jamais, au comble de la joie, savourant à la fois le charme de cette nuit silencieuse et la douce somnolence à laquelle elle était en proie. On eût dit qu'elle lui devinait et comprenait tout ce qui se passait en elle. « Vous souvenez-vous, Lady Isabelle ? » murmura-t-il subitement. « Vous souvenez-vous d'une soirée pareille à celle-ci, soirée délicieuse, où nous étions tous réunis ensemble, vous, votre père, Madame Vane et moi ?»« Je m'en souviens, » fit-elle. « Ce fut à la fin d'une journée agréablement employée. Les deux demoiselles Challoner étaient également avec nous. » Vous reconduisîtes Madame Vane chez elle, et moi je m'en retournais avec mon père. Oui, et vous aviez même tellement fait galoper les chevaux que Madame Vane en fut effrayée, et vous jura que jamais elle ne se laisserait conduire par vous en voiture. Ce jamais-là n'avait aucune portée. De toutes les femmes que j'ai rencontrées en ce monde, Emma Vane est sans contredit la plus exigeante, la plus futile et la plus capricieuse. Si je lui ai fait tant peur en faisant aller les chevaux si vite, c'était avec intention. Comment cela ? J'étais furieux, car elle s'était emparée de moi alors que je voulais, que je désirais, être le cavalier d'une autre personne. De Blanche Challoner, peut-être ? Blanche Challoner, répéta le capitaine avec dérision. Non, non, je me souciais peu d'elle. Isabelle se rappelait que le capitaine Levison passait à cette époque pour être vivement attaché à Mademoiselle Blanche Challoner, une ravissante jeune fille de 17 ans. Mais, reprit-elle, Madame Vane vous a plus d'une fois reproché cet amour. Je ne dis pas non, interrompit-il d'un ton de voix significatif. Mais elle me reproche également d'être plus amoureux encore d'une autre personne, et cette fois, elle n'avait pas tort. Non, Lady Isabelle, ce n'était pas Blanche Challoner que je désirais reconduire dans la voiture. Et je suis surpris que vous n'ayez pas mieux deviné, ajouta-t-il en se tournant vers elle. Lady Isabelle ne pouvait se méprendre plus longtemps sur le sens de ses paroles. La voix émue de Levison, le regard qu'il fixait sur elle, tout ne lui révélait que trop la vérité. Des lueurs pudiquement terrassées jouaient, elle détourna la tête pour se cacher. « Oublions le passé, » continua-t-il, « nous ne pouvons le ressusciter. Mais nous ne sommes tous deux, voyez-vous, comportés comme des enfants. Si jamais deux êtres furent faits pour s'entendre et pour s'aimer, c'est vous et moi. Jadis, j'avais cru deviner que mes sentiments vous étaient connus. » Jusqu'alors, la hardiesse de son langage l'avait rendue muette de surprise. Mais en entendant ses dernières paroles, elle releva fièrement la tête et voulut lui imposer silence. Mais lui, sans être le moins du monde intimidé, continua de plus belle. « Lady Isabelle, il faut que je parle. Il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Puis je me tairai pour toujours. Autrefois, voyez-vous, j'aurais voulu vous révéler mon amour. Ce qui m'empêchait de le faire, c'était la position critique dans laquelle je me trouvais, les dettes que j'avais contractées, le sentiment, enfin, de l'impossibilité où j'étais de me marier. Croyez-moi, c'est la vérité. J'aurais dû, peut-être, m'adresser à Sir Peter, lui expliquer l'état de mes affaires, le prier de venir à mon secours et de m'aider à obtenir la main de la fille de Lord Mountsavern. Mais je ne le fis pas. Je préférais dévorer en silence mes chagrins et mes mortifications. Et c'est ainsi que je vous ai perdu, que je vous ai perdu pour toujours. Capitaine Levison, s'écria de colère Isabelle, qui s'était levée de sa chaise, je ne puis vous entendre davantage. Il l'obligea à se rasseoir en la touchant légèrement au bras. Un moment encore, continua-t-il, je vous en supplie. Depuis bien des années, sachez-le, je cherche l'occasion de vous apprendre pourquoi j'ai dû renoncer à vous, et depuis lors j'ai tant souffert que je mérite quelque pitié. Ce n'est que lorsque vous êtes devenue la femme d'un autre que j'ai véritablement compris la passion que vous m'aviez inspirée. Cette passion, Isabelle, je l'éprouve encore. Et c'est vous qui osez me parler de la sorte, interrompit-elle d'une voix calme et froide, pleine de noblesse et de fermeté. Déjà, néanmoins, elle se sentait émue, et son cœur lui murmura tout bas qu'un pareil aveu, fait en d'autres circonstances, eût fait épanouir en son âme la joie la plus pure. Les paroles que je viens de prononcer ne sauraient vous offenser, reprit le capitaine. Il est maintenant trop tard pour nous aimer de nouveau. Vous ne vous appartenez plus. Il faut nous soumettre à notre sort. Un abîme sépare nos destinées. Tenter de le franchir, ce serait de la folie. C'est ma faute. J'aurais dû vous avouer mon amour et ne pas permettre que vous sacrifiez à M. Carlyle. Je ne me suis nullement sacrifié, interrompit-elle vivement et avec indignation. J'estime, je respecte et j'aime mon mari. Si je l'ai épousé, c'est de mon propre choix, de ma propre volonté. Et je n'ai jamais eu lieu de m'en repentir. De jour en jour, je me sens plus fortement attaché à lui. C'est un noble cœur, une nature droite et honnête. Et vous, qu'êtes-vous donc pour oser en parler ainsi? Vous vous oubliez, Francis Levison. Non, je ne m'oublie point, fit-il en se mordant les lèvres. Vous n'avez aucun droit de me parler comme vous le faites, continua-t-elle en proie à la plus vive agitation. Personne, si ce n'est vous, n'aurait osé m'insulter de la sorte et profiter de ce que je suis ici seul et sans protection pour me tenir des propos si inconvenants. L'eussiez-vous fait si mon mari avait été ici? Allons, séparons-nous, monsieur. » Se lisant, elle se mit à marcher en hâtant le pas. Le capitaine Levison, après un moment d'hésitation, courut après elle, et l'arrêtant par le bras, il l'étreignit avec force sa main dans la sienne. « Veuillez me pardonner, Lady Isabelle, murmura-t-il, oublions la scène qui vient d'avoir lieu, et permettez-moi d'espérer qu'à l'avenir, je serai pour vous encore un ami, rien qu'un ami, un frère dévoué, si vous le voulez, qui, durant l'absence de M. Carlyle, s'efforcera de vous rendre tous les services possibles. J'ai eu le tort de vous considérer comme un ami, comme un frère, et je m'en repens, répliqua-t-elle avec froideur et en retirant brusquement sa main de celle du capitaine. J'ai eu le tort aussi de tolérer vos assiduités auprès de moi. Vous venez de m'en donner la preuve. Mon mari vous a remercié des soins que vous m'avez rendus. S'il avait pu lire au fond de votre cœur hypocrite, découvrir la turpitude de votre âme, soyez sûr qu'il vous remerciait d'une toute autre manière. Je regrette ma témérité, Lady Isabelle, et je vous en fais mes plus humbles excuses. Puis-je m'humilier davantage? Voyons, soyez généreuse et tendez-moi la main. Il y a des moments, voyez-vous, où ce que l'on éprouve est si poignant et si douloureux que l'on en perdrait la raison, si le cœur se montait inopinément à nos lèvres et ne laissait échapper sans secret. Permettez-moi de vous offrir le bras, pour descendre cette montagne rapide, ajouta-t-il au moment où il s'engageait dans la grande rue. Après une marche si longue, vous devez être trop fatigué pour continuer seul votre route. Vous auriez dû penser à cela un peu plus tôt, fit-elle d'un ton sarcastique. Laissez-moi. Il lui fallut rabaisser le bras qu'il lui offrait avec de vives instances, et tous deux continuèrent à marcher silencieux et isolés. Arrivés à la porte de sa demeure, Lady Isabelle quitta brusquement Levison en lui souhaitant le bonsoir d'une manière sèche et rebutante. Elle ferma la porte et, sans faire attention à Pierre, qui la regardait avec étonnement, elle franchit pour ainsi dire l'escalier et pénétra dans son salon où Wilson, qui n'attendait pas encore le retour de sa maîtresse, s'était confortablement installé et la fenêtre ouverte faisait prendre l'air un petit bonnet tout neuf et fort gracieux dont pour la première fois elle venait d'orner sa tête. « Mon pupitre, Wilson, donnez-moi vite mon pupitre !» s'écria Isabelle d'un air effaré en arrachant avec précipitation ses gants, son chapeau et son châle. « Dites à Pierre de se tenir prêt à porter une lettre à la poste. Il faudra qu'il se hâte, sans quoi l'on aura fait la levée. » Au récit que Levison venait de faire de son amour, Isabelle avait senti germer en son cœur les premières sensations d'un bonheur illicite. Elle comprit alors qu'elle devait fuir au plus vite le danger qui la menaçait. Ne plus revoir cet homme, ne plus se hasarder à prêter de nouveau l'oreille à ses fallacieuses paroles. Et c'est pourquoi elle écrivait à la hâte une lettre à Carlyle, le suppliant de venir la chercher sur le champ, et lui annonçant qu'elle ne pouvait rester plus longtemps à Boulogne. Il est probable qu'elle serait partie immédiatement et sans attendre la réponse de Carlyle, n'était qu'elle craignait, une fois ses notes payées, de ne pas avoir assez d'argent pour les frais du voyage. Carlyle fut fort surpris à la lecture de cette lettre si pressante. Il s'empressa de répondre qu'il arriverait, sans faute, le samedi suivant, et qu'il déciderait alors s'il y avait lieu de faire droit à la demande de sa femme. En attendant, Isabelle, qui avait pris la ferme résolution de ne plus revoir le capitaine Levison, se contenta de sortir en voiture fermée. Le capitaine se présenta pour lui rendre visite. On le fit entrer au salon, mais Lady Isabelle, qui se trouvait alors dans sa chambre, lui envoya dire par Pierre qu'elle ne recevait personne. Carlyle, retenu chez lui par ses affaires, ne put arriver que le dimanche au matin. Il fit tout ce qui était en son pouvoir pour détourner sa femme du projet qu'elle avait arrêté de s'en retourner avec lui. Il s'efforça de lui faire sentir la nécessité de rester quelques semaines encore. Il eut recours à tous les arguments possibles, mais elle ne voulut rien entendre, et en proie à la plus vive surexcitation, elle le suppliait de ne pas s'opposer à ses désirs. « Isabelle, lui dit alors Carlyle, puisque vous vous obstinez ainsi à vouloir partir, il faut que vous ayez pour cela une raison. Faites-la-moi connaître. Votre séjour ici vous a fait du bien, beaucoup de bien. Vous dites que cet endroit est triste, mais ce n'est pas là un argument qui puisse motiver un changement aussi brusque dans les plans que nous avons arrêtés. Voyons, avouez-moi franchement ce qui est survenu. » Elle eut alors l'idée de lui tout révéler, de lui ouvrir son cœur. Elle ne songeait pas, il est vrai, à lui dire qu'elle aimait le capitaine Levison, ou que le capitaine Levison lui avait tenu des propos inconvenants. Non, elle se sentait encore trop attachée à son mari pour consentir à lui attirer des désagréments dont il lui était difficile de prévoir les suites et le dénouement. Ce qu'elle comptait lui révéler, c'était simplement le caprice qu'elle avait eu autrefois pour le capitaine Levison et la crainte qu'elle éprouva maintenant de se trouver de nouveau en contact avec lui. Pourquoi ne le fit-elle point? En vérité, les événements de la vie tiennent à bien peu de choses et dépendent souvent de la plus petite circonstance. Isabelle avait été sur le point de confesser à Carlyle les tourments auxquels elle était en butte, lorsque celui-ci tira tout à coup de son portefeuille une lettre qu'il lui plaça entre les mains. Ce fut assez pour troubler le cours de ses pensées. Elle prit le billet, l'ouvrit et le lut en silence. C'était une lettre de Mademoiselle Carlyle. Lettre que Mademoiselle Carlyle avait remise à son frère juste au moment où il partait, en le priant de la porter lui-même afin d'économiser ainsi un timbre en poste. La teneur de cette lettre était aussi brève et laconique que l'était Mademoiselle Cornélie elle-même. Elle se terminait de la manière suivante. « J'aurais voulu vous écrire davantage, mais Barbara Hare, qui doit passer la journée avec nous, vient d'arriver. » Barbara Hare, à Eastline. Oh, c'en était trop pour Isabelle. Et dans son cœur retomba avec force la confession qu'elle avait été sur le point de laisser échapper. Elle se contenta de répondre qu'elle désirait revoir ses enfants, qu'elle ne se sentait plus le courage de rester ainsi éloignée d'eux. Et c'est en pleurant qu'elle parlait de la sorte. « Voyons, Isabelle, » murmura Carlyle, « si véritablement vous avez pris le parti de retourner à East Lynne, je vous promets de vous emmener avec moi. » Et alors elle fut au comble de la joie. Il se mit à rire et à sauter comme un enfant aux heures de récréation. Il remerciait Carlyle de la bouche et des lèvres, le couvrant de baisers. « Isabelle, » lui dit Carlyle en souriant tendrement, « vous souvient-il qu'au premier temps de notre mariage, vous ne m'aimiez pas, et que vous me consoliez en m'assurant que l'amour viendrait un jour? Eh bien, si je ne me trompe, l'amour est venu. » En entendant ces paroles, Isabelle fut prise d'un douloureux serrement de cœur. Elle eut peine à cacher son trouble et à retenir les larmes brûlantes qui montaient à ses yeux. Carlyle interpréta ce trouble et ses larmes à son propre avantage, et dans sa joie, il pressa sa femme contre son cœur. Le lendemain matin, le capitaine Levison vint rendre visite à Carlyle et lui demandait s'il avait eu une entrevue avec Sir Peter. Carlyle lui répondit franchement qu'il avait été trop occupé jusqu'alors pour remplir l'engagement qu'il avait pris, mais qu'il comptait s'en acquitter au premier jour. Telle fut sa réponse, la réponse d'un cœur droit et honnête à une âme vile et perfide. Mais il ignorait encore la déloyauté et la bassesse de cet homme, sans quoi il l'eût instantanément broyé sous son talon. Dans l'après-midi de ce même jour, Carlyle, sa femme et les domestiques s'embarquèrent sur le bateau à vapeur qui devait les mener à Folkestone. Lady Isabelle prit place sur le pont à côté de son mari. On leva l'ancre, et la machine se mit aussitôt en mouvement. Debout sur le quai se tenait effrontément le capitaine Levison, les yeux fixés sur Lady Isabelle. À mesure que s'éloignait le steamer, la pauvre femme se sentait comme soulagée d'un grand poids, mais elle tremblait encore à la pensée du danger qu'elle avait couru. Tout à coup, elle étreignit avec force la main de son mari. « Avez-vous froid ?» demanda Carlyle en se penchant vers elle. « Oh non, je me sens heureuse maintenant et bien soulagée. »« Mais pourquoi tremblez-vous ainsi » ajouta-t-il. « Je tremble à la pensée de ce qui aurait pu m'advenir, si vous n'aviez pas consenti à m'emmener avec vous. Oh, Archibald » continua-t-elle d'une voix basse et émue, « ne me laissez jamais toute seule, veillez sur moi, sans cesse. » Le regard tendre et suppliant qu'elle fixait sur lui le fit tressaillir de bonheur. De ses yeux s'échappait l'amour le plus pur lorsqu'il lui répondit « Nous ne nous quitterons plus, Isabelle. Cette séparation a été pour moi plus douloureuse encore et plus pénible que pour vous. » Pouvait-elle douter de son amour ?